franceinter.fr. Aujourd'hui dans Affaires Sensibles, les manifestations de juin 2013 en Turquie, le mouvement Occupy Gezi. À intervalles réguliers ces derniers mois, la Turquie s'invite au cœur de l'actualité. Frappée par des attentats récurrents, confrontée à l'arrivée de milliers de réfugiés, en guerre contre les Kurdes du PKK, soupçonnée d'ambiguïté dans la lutte contre l'État islamique, une fois encore, ce pays entre deux rives, à la croisée de l'Occident et de l'Orient, la tête en Europe, le corps en Asie, se retrouve au centre des grands enjeux de notre temps. Un pays qui a longtemps fait figure de pôle de stabilité face à un Moyen-Orient dévasté par les guerres et de modèle aussi pour un champ du possible entre démocratie et islam. Mais qu'en est-il de la Turquie intérieure, aujourd'hui, de ses dirigeants, de sa nation, de son peuple? De ce point de vue, les grandes manifestations survenues en juin 2013 apportent un élément de réponse. Pendant trois semaines, un mouvement démocratique sans précédent a fait vaciller le pouvoir du gouvernement islamo-conservateur de Recep Erdogan. Entamée comme une contestation civique, localisée et spontanée, la mobilisation s'est vite transformée en révolte politique et urbaine à travers tout le pays. Mais y a-t-il réellement un avant et un après Gezi? L'étouffement du mouvement par Erdogan n'est-il pas plutôt la confirmation d'une dérive autoritaire du pouvoir, latente depuis plusieurs années? Cet événement ne vient-il pas surtout rappeler les tensions, les oppositions d'un pays coupé en deux, tiraillé entre la crainte de perdre son identité et son désir de modernité? En seconde partie d'émission, nous reviendrons sur ces questions avec Olivier Bertrand, ancien journaliste de Libération. Il travaille actuellement pour le Pure Player, Les Jours, pour lequel il écrit de nombreux articles sur la Turquie. Affaires Sensibles, une émission de France Inter, en partenariat avec l'INA, préparée par Simon Maisonob avec l'appui des documentalistes de Radio France. Attaché de production, Léa Dupouy-Henquin et Lucille Valéry. Coordination, Christophe Barrère. Programmation musicale, Muriel Pérez. Réalisation, Fabrice Lègle. À la technique aujourd'hui, Vincent Godard. Fabrice Drouel, Affaires Sensibles, sur France Inter. Place Taksim, Istanbul, printemps 2013. Les villes sont des bibles de pierre, écrivit un jour Victor Hugo dans Notre-Dame de Paris. Sur les boulevards, dans les ruelles, au pied des immeubles, s'écrivent en effet les souvenirs de chacun, les errances quotidiennes ou improvisées, les luttes passées à battre le pavé. Ce lien singulier entre l'urbain et le citoyen, le pouvoir l'a aussi utilisé. Une statue, le nom d'une avenue, des bâtiments emblématiques, le politique n'hésite pas à inscrire son empreinte dans le territoire. La place Taksim, dans la partie moderne d'Istanbul, au nord de la rive européenne, appartient à ces lieux chargés d'histoire. Créée en 1939 par l'urbaniste français Henri Prost et approuvée par Mustafa Kemal, dit Atatürk, fondateur de la République après le démantèlement de l'Empire ottoman au sortir de la Première Guerre mondiale, est devenue au fil du temps un symbole de la Turquie moderne. Elle a notamment construit sa réputation sur ses célèbres restaurants, théâtres, cinémas ou boîtes de nuit, signe du fameux mode de vie à la franca, comme disent les Turcs. Dans les années 70, la place Taksim est devenue un lieu de rassemblement politique majeur. Chaque année, c'est là que les travailleurs se retrouvent au 1er mai pour manifester. Sous la République, la place Taksim s'est imposée comme le point de rencontre des luttes et de la désobéissance civile, de l'expression de la démocratie et du peuple d'Istanbul. Alors, au fil du temps, elle a écrit sa mémoire. De nombreux stambouliotes se souviennent notamment du 1er mai 1977. Ce jour-là, des dizaines de manifestants ont été tués dans des circonstances toujours non élucidées. Or, en ce 1er mai 2013, le rassemblement pour la fête du travail est interdit par le maire, Kadış Tabas, membre de l'AKP, proche du Premier ministre Erdogan. Ce dernier est depuis 10 ans le nouvel homme fort de la Turquie. L'AKP, le parti islamo-conservateur qu'il dirige, a remporté les trois dernières élections législatives et gouverne la Turquie sans discontinuer depuis 11 ans. Après avoir amorcé de nombreuses réformes démocratiques et sociales, redressé un pays au bord de la banqueroute pour le placer parmi les principales puissances mondiales, après avoir réduit le pouvoir de l'armée dans la vie politique turque et amorcé un processus de dialogue avec les Kurdes du PKK, l'AKP et Erdogan ont pris depuis quelques années un tournant plus autoritaire. Depuis 2007, le Premier ministre s'appuie sur son bilan économique et social, mais aussi sur la disparition des contre-pouvoirs traditionnels et une opposition politique balbutiante. Avec tout cela, il peut asseoir son pouvoir. Les médias sont contrôlés et la Turquie compte des dizaines de journalistes en prison. La répression s'accentue et les atteintes portées à la laïcité, pourtant le ciment de la constitution turque et aux libertés fondamentales, sont de plus en plus préoccupantes. Et comme tout pouvoir qui compte s'affirmer, cette dérive autoritaire s'observe aussi dans les villes. À Istanbul, notamment, la ville dont Erdogan fut le maire 15 ans auparavant et où il a commencé sa carrière politique. Si Ankara, la capitale et la ville d'Atatürk, Istanbul, sera celle d'Erdogan. Il a entamé depuis plusieurs années des travaux gigantesques, rasant des quartiers historiques, érigeant des ponts et prévoyant des infrastructures hors normes. Au cœur de ces projets, la place Taksim, justement, et le parc Gezi. Et c'est bien de là qu'en 2013, tout est parti. C'est comme une cocotte minute. En fait, on a l'odeur et après on a le bruit. Et là, on a eu l'odeur auparavant. Et là, le bruit, la cocotte minute commence à exploser. Et à cause de trois misérables arbres, on va dire comme ça, ça a été le déclic, l'étincelle. Et les jeunes se sont révoltés. Oui, l'étincelle. C'est le 27 mai 2013 qu'elle jaillit. Il est 22h ce soir-là, lorsqu'à l'entrée du parc Gezi, qui se situe dans le prolongement de la place Taksim, des employés de la mairie d'Istanbul s'avancent. Leur mission, arracher plusieurs centaines d'arbres au cœur de l'espace vert de Gezi. Sauf qu'au moment de commencer, les fonctionnaires municipaux trouvent sur leur chemin une cinquantaine de militants d'associations écologistes venus s'interposer. Au-delà de la défense des arbres de Gezi, les militants se mobilisent contre le vaste projet de réaménagement de la place Taksim prévu par les autorités. Depuis plusieurs mois déjà, les travaux ont commencé. L'opération prévue par le maire d'Istanbul, Kadir Topbaş, et soutenue par le Premier ministre Erdogan, prévoit de construire un centre commercial, une mosquée et la réplique d'une caserne militaire ottomane. Pour réaliser l'ensemble, le centre culturel Atatürk et une partie du parc Gezi, rare espace vert de cette métropole en pleine expansion, doivent être détruits. Un projet urbain opaque, mené sans concertation avec la population et surtout symbolique. Exaltation du passé ottoman, rupture avec l'héritage d'Atatürk, affirmation du capitalisme et renforcement de la présence de l'islam dans l'espace urbain. Un condensé de la politique d'Erdogan et de l'AKP des dernières années. Alors ce soir du 27 mai 2013, la cinquantaine de militants plante ses tentes dans le parc pour monter la garde. Le lendemain, c'est la police qui arrive pour faire fuir les campeurs. Entre-temps, les militants ont été rejoints par des riverains et des personnalités politiques, comme le député du parti kurde BDP, Siri Surya Önder, qui n'hésite pas à se jeter sous une pelleteuse pour empêcher l'arrachage d'un arbre. Il est blessé au cours des affrontements. Largement relayé par les réseaux sociaux, l'image du député médiatise la situation du parc Gezi. Pendant deux jours, le sit-in continue et le camp des opposants s'agrandit, de jour en jour. Ils sont désormais plusieurs milliers et débordent au-delà du parc, sur la place Taksim. La violence s'accroît, des tentes sont brûlées, on compte les premiers blessés. Jusqu'au 31 mai, à l'aube, ce sont cette fois les unités anti-émeutes qui sont mobilisées. Elles donnent l'assaut, une manifestante raconte. Ce soir-là, nous, on est venus dans le parc et il y avait vraiment beaucoup, beaucoup de monde. Et donc, il y avait de la musique, il y avait encore donc, à manger. Et les gens, ils étaient calmes, à manger, à boire, à discuter. Et d'un coup, entre 3h et 4h, la police a commencé à s'agiter. Donc, en fait, ils ont commencé à bouger, à se disposer dans des endroits. Et les gens, ils ont compris, en fait, qu'il allait avoir une intervention. Et ils ont commencé à attaquer. C'était même pas les canons à eau, c'était le gaz direct. On s'est retrouvé enfermé dans un endroit. Les policiers, ils ont vraiment commencé à s'approcher. Moi, par exemple, pour m'échapper, j'ai dû vraiment passer sur une bombe, donc en fait dans un nuage de gaz. C'est 31 mai au matin, après trois tentatives pour déloger les manifestants, le mouvement bascule. La répression policière, particulièrement violente, fait plusieurs centaines de blessés. Les canons à eau tentent de disperser les manifestants. Le ciel se remplit de gaz lacrymogène. Les grenades projetées directement sur les manifestants provoquent traumatismes crâniens et fractures. Premiers blessés, premières arrestations. Face à la brutalité policière, le groupe des opposants, désormais constitué de dizaines de milliers de personnes, s'organise. On érige les premières barricades, on met en place des infirmeries de fortune, on invente les premiers codes du rassemblement. De la place Taksim, dans les rues, depuis les fenêtres ou les balcons, un bruit s'élève. Celui des casseroles et des gamelles sur lesquelles tapent les manifestants, un son commun pour le ralliement de Gezi. Et surtout, la contestation s'étend à travers toute la Turquie. Ce n'est plus seulement la place Taksim d'Istanbul qui se soulève. À Ankara, la capitale, à Izmir, à Bodrum, à Trabzon, dans quasiment toutes les provinces de Turquie, des rassemblements de plusieurs milliers de personnes se forment. Le mouvement civique et écologique n'aura mis que quelques jours à se transformer en contestation politique à l'encontre du gouvernement Erdogan. D'ailleurs, la question est maintenant sur toutes les lèvres. Comment va réagir le pouvoir face à ce mouvement spontané, ces affrontements répétés d'une ampleur rarement vue en Turquie? Lors de l'inauguration d'un pont à Istanbul, le gouvernement dénonce une manifestation de quelques marginaux, je le cite, et affirme que les travaux reprendront rapidement. Pourtant, à la surprise générale, le 31 mai, un tribunal administratif ordonne la suspension du chantier de la place Taksim et le lendemain, les forces de l'ordre se retirent des lieux. Vers 16h, après quasiment 36 heures de siège, la police a subitement déserté la place de Taksim, non sans lancer quelques dernières rafales de gaz lacrymogène, et immédiatement, une foule immense a pris possession des lieux. Qu'est-ce que vous faites sur la place ici? Le premier jour, j'étais à Gezi Park pour participer au sit-in, et après, j'ai rejoint mes amis pour venir ici à la place Taksim pour participer à ce mouvement. Il s'agit d'une protestation contre des décisions totalitaires du gouvernement. Et la foule crie d'un seul cœur, Hükümet istifa, démission, gouvernement. Quelques hélicoptères de la police tournoient encore dans le ciel, mais sur la place de Taksim libérée, c'est une foule bigarrée et joyeuse qui célèbre la défaite de Tayyip, promettant que ce n'est là que le début. Disons, c'est le début de la fin, peut-être, parce que là, c'est la première fois qu'en Turquie, vous avez tellement de foules qui vraiment se sont mobilisées, à part le 1er mai. Sincèrement, il s'agit ici d'une expression d'une indignation dans un processus de démocratisation de la Turquie dont je suis vraiment fier. Incroyable. Ce samedi 1er juin 2013, un vent de liberté souffle sur Istanbul et la Turquie. Après 3 jours d'affrontement, le gouvernement a choisi, contre toute attente, la voie de l'apaisement. L'occupation de la place Taksim se transforme alors en un véritable terrain d'expérience politique pour toute une génération de jeunes stambouliotes. Depuis l'étranger, dans un mélange de précipitation et de réflexes sémantiques, on a tendance à rapprocher les événements de la place Taksim de ceux de Tahir en Égypte et à proclamer la naissance d'un printemps turc, oui. Mais c'est allé un peu vite, car c'est ailleurs qu'il faut regarder, du côté des indignés espagnols ou des 99% d'Occupy Wall Street, pour mieux comprendre ce qui se passe à Istanbul. Rapidement baptisé Occupy Gezi en référence au mouvement né à New York 2 ans auparavant et largement diffusé sous ce hashtag sur les réseaux sociaux, le mouvement de la place Taksim dénote d'abord par son caractère civique et pacifique dans un pays habitué aux contestations politiques radicales et violentes. Il surprend ensuite par son aspect hétéroclite. Sur la place Taksim se côtoient en effet des militants d'extrême gauche et des nationalistes héritiers d'Atatürk. Se mêlent des militants homosexuels à des islamistes anticapitalistes, marchent côte à côte les supporters des 3 grands clubs rivaux de la ville, et puis des féministes, quelques kurdes, de nombreux alévis, une minorité religieuse exclue. Ensemble, ils éprouvent de nouvelles formes de démocratie participative et surtout, ils transcendent les partis politiques traditionnels. Majoritairement jeunes et d'un haut niveau d'études, c'est pour la plupart leur première action politique. Ils sont parfois rejoints par leur père ou par leur mère. Alors au fil des jours, les manifestants viennent d'autres quartiers, traversent le Bosphore depuis la rive orientale pour rejoindre le lieu de rassemblement. Et sur la place Taksim, ils sont bientôt 100 000. Entre les bibliothèques improvisées, plus de 3 millions de livres seront échangés, les cantines partagées, les campements de fortune et les comités artistiques ou politiques. À Solidarité Taksim, le nom officiel du rassemblement, ce qui réunit ces hommes et ces familles hier opposés, aujourd'hui côte à côte, c'est un même ennemi, le Premier ministre Recep Erdogan, et ce qui les mobilise, c'est une idée, celle d'une autre Turquie. Un peu ça ressemble à mai 68, mais ce qui est remis en cause, ce n'est pas la légitimité du pouvoir, c'est la légitimité de l'action du pouvoir. J'avoue, j'ai voté pour Erdogan. Mais je suis très déçu. Erdogan est rentré jusque dans nos chambres à coucher, à nous dire combien il faut faire d'enfants. comment il faut faire l'amour. Il restreint trop nos libertés. On craint même de parler au téléphone portable, peur qu'on nous écoute. Il n'arrive pas à croire que le peuple turc agit avec maturité. Il sème la confusion en faisant référence à l'étranger, mais ça ne mène à rien. Erdogan se comporte comme un père, pas comme un premier ministre. Il a essayé en tout cas de supprimer les deux lettres TC, Türkiye Cumhuriyeti, la République turque, de la façade des mairies et de tous les bâtiments de l'État. Ce n'est rien d'autre qu'un néo-sultan dans une république qu'il essaye d'abattre pour lui permettre d'appliquer sa politique ultralibérale. Le problème de la Turquie ne peut être résolu que par une révolution démocratique. Nous savons que nous sommes minoritaires, mais notre cause est juste. Erdogan a appris ce qu'était la démocratie à plus de 50 ans. Il pense que la démocratie n'apparaît que lors des élections. C'est tellement limité. On l'entend, les manifestants ne remettent pas en cause la légitimité d'Erdogan, élu démocratiquement, mais son exercice du pouvoir et ses atteintes portées à la liberté et à la laïcité. Au-delà du projet de la place Taksim, le gouvernement a fait voter une loi qui limite drastiquement la vente et la consommation d'alcool. Dans ses discours, il encourage les femmes à avoir 3 enfants et remet en cause le droit à l'avortement légal, pourtant depuis 1983. Les événements de Taksim mettent aussi en lumière son contrôle des médias. Pendant les premières manifestations, preuve en est, l'une des principales chaînes du pays retransmet un documentaire animalier. De son côté, le Premier ministre maintient son cap. S'il reconnaît que la police a pu commettre des erreurs, il continue de vilipender ce qu'il appelle les vandales et les racailles, manipulés par des forces antidémocratiques qui veulent renverser un pouvoir élu à la majorité. Il menace de faire appel à ses propres militants pour organiser des contre-manifestations et démontrer l'importance de ses soutiens. Et pour bien signifier son mépris des événements, Erdogan maintient sa visite officielle dans les pays du Maghreb. Cette attitude ouvertement provocatrice et ses prises de position accentuent bien sûr l'opposition du mouvement qui est bientôt rejointe par les syndicats. Ces derniers appellent à la grève générale. De civique et politique, le mouvement devient social. Ainsi, malgré le retrait des troupes de la place Taksim, la tension reste prégnante et les affrontements entre les forces de l'ordre et les manifestations continuent. 5e journée consécutive aujourd'hui de manifestations un peu partout dans le pays, dans les 3 principales villes, Istanbul, Ankara et Izmir, mais aussi dans plus d'une dizaine de villes secondaires, comme dans la région d'Hatay, dans le sud du pays, où un jeune manifestant de 22 ans a été tué par balle hier soir, 2e victime depuis le début de la contestation. Et hier soir à Istanbul, ils étaient encore des milliers réunis place Taksim, réclamant toujours la démission du Premier ministre Recep Tayyip Erdogan. Manifestants dispersés en milieu de nuit à coups de grenades lacrymogènes et de canons à eau. Les principales villes du pays touchées, 2 victimes en moins d'une semaine, une opposition qui augmente ses rangs de jour en jour et qui surtout répond également par la violence aux attaques des forces de l'ordre, jets de pierres et de cocktails Molotov. On compte aussi ses blessés dans les rangs de la police. Face à tout cela, face à ce tableau, le pouvoir se doit de réagir. Alors qu'Erdogan est à l'étranger, le 4 juin, c'est le vice-premier ministre Bülent Arınç qui prend la parole. Tous les modes de vie sont très importants, nous y sommes très sensibles. Nous sommes ouverts à toutes les demandes pourvu qu'elles se fassent démocratiquement et sans violence. Nous ferons notre autocritique, personne ne devrait en douter. Ce discours d'ouverture et d'apaisement rejoint celui du président de la République, Abdullah Gül, qui affirme avoir entendu le message envoyé par les manifestants. Les 2 autres hommes forts de l'AKP prennent le contre-pied du Premier ministre Erdogan, qui est pourtant leur compagnon de route depuis la création de l'AKP. Interrogé sur les voix dissonantes au sein de sa propre majorité, celui-ci répond qu'il ne voit pas de quel message parle le président. Ces dissensions, qui éclatent au grand jour, donnent un motif d'espoir au mouvement de Gezi, évidemment. Dans la foule, des cris s'élèvent et soulignent avec humour les contradictions de l'AKP avec cette question qui s'adresse à Erdogan. C'est comment l'odeur de la solitude Tayyip, prénom d'Erdogan. Les manifestations de juin 2013 ont créé une brèche dans le tout-puissant gouvernement de l'AKP. Erdogan sait qu'il doit reprendre la situation en main, ce qui ne fera que renforcer la dérive autoritaire du pouvoir islamo-conservateur. دلوني درب السنوين أشوف لي مرقى من بير الهوالة من صد مظنوني وأخلى بلادينا أجاوب الورقة من ديجة البالة يا ناس دلوني درب السنوين أشوف لي مرقة من بير الهوالة عزهي عيوني تبكي على عينه بشمع زرقا بالحب قتاله يا وي مزيوني بالطول والزينه يا ناس دلوني درب السنوين اشوف Il est 2h du matin quand le Premier ministre arrive enfin. Juché sur un bus, sa femme voilée à ses côtés, il s'adresse à la foule, la tête haute, et appelle à la fin des manifestations. Ces actes de vandalisme, ces actes illégaux, totalement éloignés de la liberté de manifester démocratiquement, ces actes doivent immédiatement cesser. Erdogan rend hommage à la police, il fustige les terroristes, les anarchistes, les pillards, avant toutefois de terminer sur une note plus apaisante. Mes chers frères et sœurs, depuis 10 jours, vous avez su garder votre sang-froid. Maintenant, nous allons rentrer chez nous allons faire preuve de bon sens, nous allons être raisonnables. Ce jeudi 6 juin 2013, le retour d'Erdogan en Turquie après une visite de 4 jours au Maghreb annonce la reprise en main des événements. La présence de plusieurs milliers de militants de la AKP venus le soutenir la démonstration de force. Erdogan le sait, les manifestations de Gezi étendues à l'ensemble du pays depuis plusieurs jours ont déstabilisé son pouvoir, à la fois à l'échelle nationale mais aussi au sein de la AKP, son parti. Or, l'enjeu est décisif pour celui qui tient les rênes du pays depuis 10 ans. Après avoir été 3 fois Premier ministre, et comme le veulent les statuts du parti de l'AKP, Erdogan ne pourra pas se présenter de nouvelle fois. Prévoyant, il a engagé depuis plusieurs mois une réforme institutionnelle qui renforce les pouvoirs de la fonction présidentielle et son élection au suffrage universel direct, une première dans l'histoire de la Turquie. Et bien sûr, il sera candidat dans 1 an, une manière pour lui de conserver son pouvoir. Pour de nombreux observateurs, la position dissonante du président Abdullah Gül sur les événements de Gezi amorce une lutte interne en vue, justement, de cette élection présidentielle. Alors que les affrontements entre forces de l'ordre et manifestants continuent et s'intensifient dans tout le pays, faisant de nouveaux morts et des milliers de blessés, Erdogan parcourt le pays, enchaîne les meetings dans une stratégie de communication offensive, d'occupation permanente des médias. Il entend montrer ainsi qu'une autre Turquie, silencieuse et majoritaire, le soutient. Il arrive sur scène comme une rockstar, pour une démonstration de force. Recep Tayyip Erdogan est accueilli à Istanbul par une marée humaine. des milliers de partisans brandissant des drapeaux turcs. Le show est minutieusement orchestré et la réalisation soignée. Ici, je vois la nation. Je suis votre serviteur. S'il vous plaît, mon peuple, ne tombez pas dans le piège de ce complot. Le discours d'Erdogan se durcit et sa communication vire au ridicule. Les manifestants sont désormais accusés d'être des terroristes et des conspirationnistes sous l'influence d'un obscur lobby des taux d'intérêt dont le but caché serait de faire tomber le gouvernement en misant sur une baisse de la livre turque. Ils dénoncent à tour de bras le traitement des médias étrangers à la botte du lobby des financiers. Et au fil de ses discours, il n'hésite pas à inventer purement et simplement des manifestants. Ils auraient bu de l'alcool dans une mosquée ou insulté une femme voilée avec un bébé. Une stratégie du seul contre tous, de mobilisation de ses bases, représentante de la vraie Turquie unie, selon lui, face à la tentative de déstabilisation intérieure et étrangère, selon lui. Car la pression internationale, c'est vrai, s'accentue. Depuis le début des événements, les États-Unis, alliés de la Turquie et l'Union européenne, ont déjà pris la parole à plusieurs reprises pour dénoncer les violences policières et surtout les accusations de complot. La presse s'attaque à l'autoritarisme d'Erdogan et n'hésite pas à comparer la dérive de son pouvoir à celle de Poutine en Russie. Les négociations entre les pays membres et la Turquie sur son intégration possible à l'Union européenne, déjà refroidie depuis plusieurs années, se tendent encore un peu plus. De son côté, Erdogan poursuit la mise en part du mouvement en deux temps. Le 11 juin au matin, la police investit la place et commence à démanteler les barricades. Quelques jours plus tard, Erdogan rencontre enfin les représentants du mouvement de Gezi. Au cours de la réunion, il assure s'en remettre à la décision de la justice sur la poursuite au nom du projet. Il promet aussi des enquêtes sur les violences policières. Des signes d'ouverture immédiatement contrecarrés par la liquidation du mouvement. Et le 15 juin, après plus de deux semaines d'occupation, les forces de l'ordre lancent l'assaut. En moins de 5 minutes, la place Taksim est bouclée. Les policiers entrent dans le parc au milieu des familles. Il n'y a pas de sortie, on est encerclé, explique Begul. On va se faire frapper. Moi, j'étais tranquillement en train de marcher et on m'attrape. On me dit d'aller plus loin, mais si j'avance, je vais encore prendre des coups. Face aux canons à eau, les banderoles se déchirent, les affiches disparaissent dans la boue. Les journalistes sont mis dehors et la foule se disperse dans les ruelles. Les yeux rougis par des gaz lacrymogènes, Velal se réfugie dans une entrée d'immeuble. On était réunis pacifiquement dans le parc Gezi et ils nous ont attaqués. Il y avait des vieilles femmes, des grands-pères, des bébés, des mamans. Tout le monde était calme. Ils sont arrivés, ils nous ont menacés avec leur matraque. Je ressens de la haine, de la peur et de la colère. Et à côté de Chapak, acquiesce, il veut se battre jusqu'au bout. Je vais rester ici. Même, je sais que je vais mourir, quand même, je ne vais pas quitter ici. Parce que sans démocratie, ça n'a pas la peine de vivre. Au cours de ces derniers jours, les forces de l'ordre ont reçu le soutien dans la rue des militants de la CAPE, munis de gourdins et de couteaux, qui n'hésitent pas à s'attaquer aux manifestants. Pendant plusieurs jours, voire plusieurs mois, de manière plus sporadique, les affrontements entre les opposants à Erdogan et les forces de l'ordre se poursuivront dans les grandes villes de Turquie. Malgré tout, la reprise de la place Taksim le 15 juin marque la fin d'Occupy Gezi. Le bilan, à l'échelle du pays, après trois semaines de révolte, fait état de 6 morts, 8000 blessés, dont certains très graves, et plus de 5000 arrestations. Dans les semaines qui suivent, le mouvement Gezi se poursuivra tout de même, mais sous d'autres formes, des actions pacifiques, civiques. Dès le 17 juin, le danseur Erdem Gündürz reste immobile pendant 6 heures sur la place Taksim. Il lance un véritable mouvement qui dure plusieurs semaines. À travers tout le pays, des hommes et des femmes s'arrêtent devant des lieux symboliques du pouvoir, immobiles pendant de longues heures. Cette action est à elle seule un résumé du mouvement Gezi, un détournement, une inventivité pour répondre à la répression du pouvoir autoritaire d'Erdogan. Une répression qui se poursuit du côté judiciaire. Des milliers de manifestants sont poursuivis, 26 leaders de Solidarité Taksim sont poursuivis pour création d'une organisation criminelle et incitation à des manifestations illégales. Certains médecins qui ont apporté leur aide aux manifestants reçoivent des sanctions disciplinaires. 22 journalistes, enfin, sont licenciés pour avoir critiqué le pouvoir et soutenu le mouvement. En face, la justice se montre clémente à l'endroit des policiers. On compte peu de procès et encore moins de condamnations. Erdogan sortira finalement renforcé de cette épreuve. Les travaux sur le parc Gezi sont suspendus et le parc est aujourd'hui toujours là. Maigre victoire pour le mouvement, car la reprise en main du pouvoir par le Premier ministre a démontré l'importance du soutien de tout un pan de la société turque. Si à l'international, son image s'est considérablement dégradée, à l'intérieur, Erdogan a pu asseoir encore plus sa légitimité populaire. Les sondages d'opinion lui sont largement favorables au sortir de la crise. Dans les mois qui suivent, l'AKP est touchée par de nombreux scandales de corruption, une guerre ouverte avec la communauté Gulen, l'un des principaux alliés d'hier. Pourtant, en août 2014, Erdogan est élu dès le premier tour président de la République au suffrage universel direct. Dans son discours de victoire, il réaffirme ses ambitions pour la Turquie. À partir d'aujourd'hui, avec la volonté de bâtir un nouveau contrat social, en voulant voir nos différences comme une richesse et en voulant mettre en avant non pas nos différences mais nos valeurs en partage, je veux construire un nouveau futur. Je serai un président qui embrassera et discutera avec tous les citoyens du pays, comme je l'ai fait tout au long de ma vie, comme je l'ai fait sans relâche au fil de mon combat politique. Je serai un président qui travaillera sans relâche pour son pays, pour son peuple, pour son drapeau. Les manifestations de juin 2013 ont montré la vigueur de la culture démocratique turque en même temps que les blocages à laquelle elle est confrontée. Elles ont ouvert la voie de l'engagement politique à de nombreux jeunes turcs et elles ont éprouvé de nouvelles formes de contestation et de lutte. Malgré la sauvegarde du parc Gezi, elles ont aussi souligné les divisions qui traversent cette nation confrontée à de nombreux défis et menaces intérieurs comme extérieurs. Défis sur lesquels s'appuie Erdogan pour renforcer sa légitimité et asseoir son pouvoir. Sur une ligne qui pourrait parfois se résumer à « moi ou le chaos ». Erdogan fait de la peur un programme et de la menace une politique. Face à lui, difficilement, une partie du peuple turc se mobilise, dénonce, s'engage. Les portraits des victimes de la place Taksim sont là pour le rappeler, tout comme ce poème écrit à côté du mémorial de fortune qu'un jeune manifestant du mouvement nous lit. C'est un poème par Atol Behramoğlu, un grand poète de la langue turque. Cellat uyandı yatağında bir gece. Le bourreau s'est réveillé dans son lit un soir. Tanrım dedi. Bu ne zor bilmece. Mon Dieu, il a dit. Öldükçe çoğalıyor adamlar. Quelle devinette difficile. Plus je tue les hommes, plus ils se multiplient. Tükenmekteyim öldürdükçe. Et moi, je me sens mourir en les tuant. Yok mu yahu deme hem yok hem var oturuşur öyle bir ağlaşırız ki kıskanır kahkahalar Inter, affaires sensibles, Fabrice Drouel. Aujourd'hui, le mouvement social et politique de juin 2013 en Turquie, dont nous allons parler avec notre invité Olivier Bertrand. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes ancien journaliste à Libération. Vous travaillez actuellement pour le journal en ligne intitulé Les Jours, pour lequel vous écrivez de nombreux articles consacrés à la Turquie que vous connaissez bien. Alors, retour d'abord sur l'AKP et sur Erdogan, parce que ça pose la question, leur façon de gouverner, pose la question de la représentation de l'islam au sein de la démocratie turque et au sein d'un pays qui n'est pas un petit pays, on peut dire un petit pays sans être péjoratif, mais enfin c'est un pays important, c'est un pôle d'équilibre dans une région qui connaît tant de soubresauts. Bref, c'est un pays qui compte, la Turquie. Bien sûr, un pays important, et puis un pays qui est pour nous, comme pour l'Asie et le Moyen-Orient, une vraie charnière, une agrafe extrêmement fragile, donc on observe d'extrêmement près. C'est un pays dans lequel la question de l'islam et de la laïcité pèse depuis longtemps, a été réglée par Atatürk de façon assez radicale, puisque les musulmans en Turquie ont longtemps été brimés, ont été obligés de faire avec un régime qui leur interdisait l'espace public ou presque. Il sort que beaucoup de démocrates aujourd'hui qui sont en train de se battre contre la dictature d'Erdogan se sont battus il y a 10 ans, 15 ans pour permettre aux musulmans d'exister dans l'espace public turc. Et la question que posent aujourd'hui les intellectuels en Turquie, c'est de savoir si Erdogan a eu de vraies convictions démocratiques dans les années 2000, quand il est arrivé au pouvoir, convictions qui ensuite se sont brisées face à Gezi en 2013, ou est-ce que le président actuel avait un agenda caché, à commencer par quelques réformes qui lui ont permis de progresser vis-à-vis des Européens, d'acquérir une vraie majorité dans son pays en rassurant tout le monde, pour ensuite se dévoiler et aller vers le conservatisme culturel musulman qui était sa base idéologique au départ. D'ailleurs, Erdogan l'a souvent dit et répété hein, dans des discours ou des prises de position, la démocratie n'est qu'un moyen. Fait-il partie de ces dirigeants qui confondent élection et démocratie, parce que l'élection en soi ne fait pas la démocratie? On en a vu des potentats élus avec 98% des voix. Est-ce qu'il confond les deux? Est-ce qu'à partir du moment où il s'est dit « je suis forcément démocrate » Avec Erdogan, je crois que c'est maintenant une certitude. Moi, j'irai peut-être plus loin. Je pense que la démocratie était un moyen d'accéder au pouvoir, mais aujourd'hui, on voit bien que tout ce que fait Erdogan vise à renforcer son pouvoir, à le présidentialiser, à marginaliser toujours plus non seulement ses opposants, mais pas seulement. On a vu il y a deux mois qu'il a fait partir son premier ministre, qui pourtant était on ne peut plus docile, pour le remplacer par Yildirim, qui était l'un de ses très proches dès 1995, lorsqu'il était maire d'Istanbul. De la même façon, dans les principaux ministères, on voit sa famille, ses gendres, tout est tenu par un cercle de plus en plus resserré. Et dans ce sens, l'élection n'est qu'un moyen d'accéder au pouvoir. Et ensuite, si Erdogan a attaché autant d'importance, par exemple, aux dernières législatives en 2015, c'était parce que son prochain objectif est d'aller vers un régime beaucoup plus présidentiel, beaucoup plus concentré dans ses mains. Bien sûr. D'ailleurs, ça rappelle beaucoup un tour de passe-passe institutionnel à la Poutine, à son histoire de changer la constitution pour qu'un président soit élu au suffrage universel. Ce qui est le modèle français, d'ailleurs, mais des conséquences différentes, évidemment. La comparaison s'arrête là, mais c'est ça, quand même. C'est un coup à la Poutine, quoi. Les deux hommes se ressemblent beaucoup, ils se détestent, ils passent leur temps à s'insulter. Récemment, il y a quelques mois, Poutine a mis sur la place publique une partie des affaires de corruption qui touchent l'entourage, au moins l'entourage d'Erdogan. Mais effectivement, les deux hommes se ressemblent, c'est d'ailleurs ce que disent en permanence les Turcs, au moins les opposants turcs. Alors, par rapport à tout cela, quel est le sens pour vous du mouvement Gezi? Est-ce que c'est une mobilisation pour un mode de vie, la défense de la liberté, la défense de la laïcité et surtout une protestation contre les atteintes portées à la laïcité et à tout le reste par Erdogan? Moi, je ne suis pas sûr que la question de la laïcité soit en première ligne en 2013. On sort plutôt d'une période d'avancée démocratique. Votre émission le disait d'ailleurs très très bien tout à l'heure. Également d'avancée économique. Il y a un vrai vent de liberté. Le goût de la liberté est là. Et puis, forcément, dans ces cas-là, le peuple a envie d'aller plus loin, de se battre contre un urbanisme autoritaire. Vous l'avez extrêmement bien dit. De se battre également contre un régime dans lequel la police est extrêmement violente. Ça va être surtout ça au départ, Gezi. Mais ensuite, ça s'élargit énormément et on voit une convergence. On voit Gezi est une sorte de catalyseur pour lequel il va ensuite falloir trouver une issue, un débouché politique, qui va d'ailleurs dans un premier temps extrêmement bien fonctionner, puisque après Gezi, le HDP, qui est au départ un parti pro-kurde, va s'ouvrir à d'autres minorités, notamment les LGBT, mais pas seulement, de nombreuses minorités, et va commencer par connaître des vrais succès, les municipales, qui sont un beau succès. On voit des militants élus parce qu'ils sont homosexuels en Turquie, ce qui est quand même pas rien dans ce pays. Ensuite, on a des législatives en juin dernier, en juin 2015, qui sont de nouveau un beau succès, dans le sens où ils empêchent Erdogan d'obtenir cette fameuse majorité qui lui aurait permis d'aller vers un régime présidentiel. Donc, on a ces avancées qui sont au départ, à mon avis, des avancées démocratique, une envie de décider de l'urbanisme des villes dans lesquelles on vit et de plus se les voir imposer, même pas par un régime municipal, mais directement par un premier ministre puis un président. Donc, envie de liberté, démocratie, c'est ça les moteurs, je pense, au départ de Gezi. D'ailleurs, on a entendu un manifestant dans l'une des archives que nous avons diffusées dans le récit qui disait, je me souviens de sa phrase, sans démocratie, à quoi ça sert de vivre? Hein, c'est vraiment, on est au-delà d'une revendication politique, on est là dans le sens de la vie, d'une vraie philosophie, quoi. Mais d'ailleurs, Gezi est un mouvement extrêmement vivant, c'est ce qui est absolument passionnant, et quand on commence à se plonger dans le mouvement Gezi, à regarder les archives, à regarder des films, à écouter, à parler avec des militants qui ont vécu ça, et pas seulement des militants, également plein de gens qui n'étaient absolument pas structurés politiquement, et qui ont découvert à Gezi une nouvelle raison de vivre. Mmh. Et dans ce mouvement Gezi, il y avait tout ça, cette envie de liberté, cette militance, mais il y avait également de la poésie, de l'énergie, il y avait beaucoup de fantaisie, il y avait également quelque chose de l'ordre de l'érotisme, dans la façon de lutter ensemble, et ça a été pour ceux qui ont vécu ce moment-là quelque chose d'extraordinaire, mais justement quelque chose qui vient se fracasser contre les valeurs de l'AKP, qui sont des valeurs familiales, des valeurs musulmanes, et d'ailleurs en permanence les dirigeants de l'AKP au moment de Gezi parlaient des vandales dégénérés, ouais. Qui était une façon en fait, mais c'est à mon avis très stratégique, c'est vraiment une façon de polariser en permanence. Si vous êtes pour Gezi, si vous êtes contre l'urbanisme d'Erdogan, vous êtes contre l'AKP, vous êtes contre les valeurs de la majorité musulmane de ce pays. On est en permanence maintenant dans la polarisation en Turquie. Et d'ailleurs, même chose, encore un manifestant qui disait, mais ce Erdogan va jusqu'à nous dire comment on doit faire l'amour, quoi. Donc il y a vraiment cette volonté d'émancipation, parce que la laïcité, c'est d'abord une idée d'émancipation vis-à-vis des dogmes. C'est ça, la laïcité, et partout. Et on le sent bien avec ce manifestant. Bon, alors exactement. Oui. Et ça nous renvoie en fait aussi à la culture turque en fait. Hein. C'est-à-dire qu'Erdogan a vraiment pris les habits du patriarche en fait. Hein. Et c'est une culture extrêmement patriarcale. Et en ce sens, on a un vrai recul depuis quelques années. Alors, on va s'intéresser, Olivier Bertrand, au prolongement après ce mois de juin 2013. Donc un an après ces événements, nous sommes donc en 2014, évidemment, le 31 mai de cette année-là, place Taksim à Istanbul, le mouvement Gezi retrouve pour célébrer bien l'anniversaire de son action. Alors il y a eu plusieurs charges de la police faisant usage de gaz lacrymogène et de canons à eau sur la grande avenue piétonne Istiklal où l'accès à la place Taksim est toujours bloqué depuis 15 heures environ. Des députés et des membres de la plateforme Solidarité Taksim ont tenté en vain de faire une déclaration publique. Ils voulaient à la fois honorer la mémoire des victimes des violences policières depuis l'an dernier, une douzaine disent-ils, et aussi appeler à l'arrêt de l'utilisation des gaz lacrymogènes qui ont encore fait un mort, pas plus tard qu'hier. Mais en réponse, la police a lancé un premier assaut avec gaz lacrymogène et canons à eau. Malgré une énorme présence policière, tant en civil qu'en tenue anti-émeute, il y a toujours des centaines de manifestants sur l'avenue Istiklal qui se tiennent face au blocage policier. Il y a eu des interpellations, 65 selon un des comptes provisoires, des journalistes notamment. Il y a eu des violences contre des manifestants et il y a quelques minutes, la police a investi les locaux de la chambre d'architecture, siège de la plateforme Solidarité Taksim. Mais dans ce contexte tendu, les incidents se multiplient dans plusieurs quartiers alentours, comme à Ankara, la capitale, et dans d'autres villes, théâtre de rassemblement également. Voilà, qu'est-ce que ça vous inspire, Olivier Bertrand, cette archive? En fait, ce qui est vraiment intéressant, c'est de voir quand on sort de Gezi en 2013, en juin 2013, on a une marche qui a lieu après la mort d'un jeune Kurde et qui réunit des centaines de milliers de Turcs. C'est un moment où le peuple d'Istanbul est extrêmement uni. Et puis un an plus tard, on est dans une interdiction déjà de l'espace public. Il faut savoir qu'aujourd'hui, la place Taksim est quasiment interdite dès qu'il y a un rassemblement de plus de 15 personnes. J'exagère à peine. C'est un endroit où on ne peut plus mettre les pieds. Aujourd'hui, trois ans après, on a eu des événements quand même extrêmement graves ces derniers mois, des arrestations, des emprisonnements d'universitaires, de journalistes, d'intellectuels, mais également de citoyens pour des posts sur Facebook, sur Twitter. Et aujourd'hui, tout cela rassemble bien sûr beaucoup de citoyens, mais qui peinent réellement à organiser des manifestations d'ampleur. Il faut dire qu'elles sont en général interdites. Très bien. Olivier Bertrand, on se retrouve dans 3 minutes et on parlera de la politique extérieure de la Turquie. À tout de suite. Olivier Bertrand, vous êtes avec nous pour parler de la Turquie. Vous êtes ancien journaliste à Libération et vous continuez à publier des articles sur ce pays que vous connaissez bien sur le site en ligne Les Jours. On a beaucoup parlé de politique intérieure, on va parler de politique extérieure. On va commencer par écouter une archive courte ensemble et on la commentera. Alors, nombreux enjeux régionaux pour la Turquie aujourd'hui. On va écouter une archive à ce propos, donc suite après un attentat survenu dans le sud-est de la Turquie. Et ça, c'était en juillet 2015. La Turquie a mis fin à sa position ambiguë vis-à-vis des djihadistes de Daesh qu'elle condamnait dans ses discours tout en refusant d'intervenir militairement dans la coalition. L'attentat de Suruç il y a 5 jours aura fait bouger les lignes. Ankara décide de passer à l'offensive, offensive qui pourrait marquer le début d'un nouveau cycle de violence sur le sol turc. L'analyse de Didier Billon, il est chercheur à l'Institut des Relations internationales et stratégiques. La grande crainte des Turcs, c'est qu'il y ait d'autres attentats, et il est probable d'ailleurs qu'il y aura d'autres attentats. Rappelons-nous qu'il y a en Turquie environ 2 millions de réfugiés syriens, et que malheureusement, parmi ces réfugiés syriens, il y a ce qu'on appelle des taupes, des éléments dormants liés à l'État islamique, combien il ne le sait. Ce qui est clair, c'est qu'il y a des éléments de l'État islamique en Turquie, et que malheureusement, ces gens-là ne resteront pas inactifs, et que probablement, d'autres attentats seront organisés. Rappelons que la Turquie a plus de 900 km de frontière avec la Syrie, donc c'est une situation infiniment compliquée. Et donc la Turquie comprend, peut-être un peu tardivement, mais il vaut mieux tard que jamais, que l'État islamique est devenu un paramètre très déstabilisateur, non seulement de l'Irak et de la Syrie, mais potentiellement de la Turquie elle-même. Donc là, il y a une prise de conscience et je crois que les semaines qui viennent s'annoncent très tendues en Turquie. L'aviation turque qui a également bombardé hier soir des positions militaires des rebelles du PKK, selon un porte-parole de l'organisation armée du Parti des travailleurs du Kurdistan. Alors, justement, Olivier Bertrand, c'est quoi cette ambiguïté des relations de la Turquie avec Daesh? Et c'est composé de quoi, cette ambiguïté? Alors, d'abord, il faut savoir qu'il y a, beaucoup d'attentats, en réalité, en Turquie, vraiment beaucoup. Sur ces 6 derniers mois, je pense que je suis allé 4 fois en Turquie pour les jours. Et à chaque fois que je suis dans une ville, il y a un attentat. Je suis strictement pour rien, c'est parce qu'il y en a très souvent, même si la presse internationale en parle très peu. Cette ambiguïté, elle vient d'abord du fait que pour Erdogan, la cible principale, c'est les Kurdes. C'est pas Daesh, c'est pas. Alors on le voit à plein de signes, et notamment, je vous rappelle que le journaliste Can Dündar, qui a été condamné à 5 ans de prison, l'a été parce qu'il a révélé que les services secrets turcs avaient livré des armes pour les islamistes en Syrie. Cette ambiguïté, elle existe. Elle est renforcée par le fait que le président a passé son temps pendant des années à dire que le principal ennemi, ce n'est peut-être pas Daesh. Il est beaucoup plus obsédé et par la chute d'Assad et par le fait de combattre les Kurdes du PKK. Voilà, le résultat, c'est que en Turquie, je suis pas sûr que les islamistes qui arrivent de Syrie soient si mal reçus. Et de fait, on sait qu'il y a beaucoup de cellules, qu'elles sont dormantes pour l'instant. On sait également que la police turque est au plus mal. Et là, il faut également remonter très rapidement à 2013, puisque la police et la justice étaient très infiltrées par la confrérie Gülen. Vous en avez parlé tout à l'heure, qui a été mise à bas. Et aujourd'hui, le renseignement turc est extrêmement mauvais. Les cellules sont là. Et effectivement, c'est une situation assez périlleuse pour les Turcs. Mais que craint la Turquie par rapport au PKK et aux Kurdes? C'est quoi le problème central? Parce que qu'elle puisse craindre des attentats venus d'islamistes après avoir eu avec eux des rapports étranges, on comprend. Mais le PKK, les Kurdes, c'est quoi la menace? C'est assez simple, hein, à mon avis. Erdogan, toujours dans son souci de polarisation, lorsqu'il a perdu relativement les législatives de juin 2015, a décidé de relancer la guerre avec les Kurdes, alors qu'on était dans un processus de paix depuis fin 2012. Et la relance de la guerre contre les Kurdes, ça visait tout simplement à gagner les élections suivantes dans un pays qui reste très nationaliste et dans lequel il suffit de dire les Kurdes du PKK sont des terroristes, c'est eux qui sont en train de mettre des explosifs dans toutes les villes du Sud-Est, on va leur faire la guerre. Comme par ailleurs vous contrôlez l'ensemble de la presse, dans une dictature telle qu'elle se met en place en Turquie, il devient extrêmement difficile d'être bien informé. Et une bonne partie des citoyens turcs croient ce qu'ils voient maintenant à la télévision, c'est-à-dire que les Kurdes sont tous des terroristes et qu'il faut aller leur faire la guerre dans le Sud-Est et que c'est ça la priorité. Moi, je ne pense pas que les Kurdes soient le danger de la Turquie. Je crois qu'en revanche, c'est un bon instrument pour Erdogan pour polariser un peu plus son pays. Vous avez dit dictature. Oui, il me semble à peu près évident qu'une dictature se met en place en Turquie. Je vous disais tout à l'heure, en 6 mois pour les jours, j'y suis allé 4 fois. Je crois qu'à chaque fois que je retourne là-bas, je sens le pays un peu plus tendu, je sens les démocrates un peu plus inquiets. Et puis surtout, je pense qu'il suffit d'observer, en fait, hein, les signes des arrestations, c'est de plus en plus flagrant, de plus en plus grave. La dernière, c'était il y a quelques jours, Erol Undéroglu, qui était le représentant de Reporters sans frontières en Turquie, qui a été arrêté. Oui, absolument. Des journalistes sont condamnés à des années de prison, les universitaires également, juste pour avoir signé une pétition qui appelle à un retour à la paix dans leur pays. Je pense qu'on peut commencer à sérieusement, même si l'Europe ne met pas le mot dessus pour des raisons assez l'Europe politique, en tout cas pour avec beaucoup de lâcheté, je pense qu'on peut clairement parler de la mise en place d'une dictature en Turquie, oui. Il nous reste 30 secondes. Vous pensez que l'affaire européenne de la demande d'adhésion, ça n'a pas été un refus, mais enfin, c'est quand même pas jeté dans ses bras, hein, dans les bras de la Turquie, ça pèse encore. On a 15 secondes. Hein. Moi, je pense que c'est une erreur extrêmement grave. Je pense qu'il aurait été plus facile de protéger les citoyens turcs avec une Turquie à l'intérieur de l'Europe. Eh bien voilà, ce sera le mot de la fin et de la conclusion. Merci infiniment, Olivier Bertrand. Au revoir. C'est moi qui vous remercie. Au revoir. C'était Affaires Sensibles, aujourd'hui le mouvement en Turquie en 2013 et ses prolongements, une émission que vous pouvez réécouter en podcast sur franceinter.fr. Rendez-vous également sur la page Facebook d'Affaires Sensibles. Demain, nous évoquerons l'affaire OMVA, c'était en 1993.